Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il est 16h sur France Culture et vous écoutez La Méthode Scientifique. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est paléontologie. Il y a environ 550 millions d'années, vivait au fond des océans un être étonnant, ovale et plat, qui nous a laissé, comme une énigme, une trace qui ressemble à s'y méprendre à une empreinte digitale. Le nom de cet être mystérieux est Dickinsonia. Alors que la nature de ce fossile découvert dans les années 40 a longtemps fait débat, une étude parue en septembre dans la revue Science semble venir mettre un peu d'ordre dans la maison paléontologie. L'étude en question l'affirme, Dickinsonia serait bel et bien un animal, et cette affirmation pourrait peut-être même nous aider à affiner la définition de ce groupe du vivant qu'on appelle animal. Dickinsonia sur les traces de l'animal primitif, c'est la piste fossile que nous allons remonter aujourd'hui. Soyez les bienvenus dans la méthode scientifique. Et pour mener cette enquête paléontologique, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Janvier. Bonjour. Vous êtes paléontologue, membre de l'Académie des sciences et directeur de recherche CNRS émérite au Muséum d'Histoire Naturelle. Jean-Paul Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes également paléontologue, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et chargé de collection fossiles, toujours au Muséum. Et en duplex depuis Lyon, Bertrand Lefebvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue également, chargé de recherche CNRS et membre du laboratoire de géologie Lyon, Terre, Planète, Environnement. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez comme tous les jours écouter cette émission devant votre poste FM, mais aussi sur franceculture.fr ou bien sur votre application de podcast favorite. Et pour tous les compléments utiles à notre sujet du jour, vous pouvez nous suivre en direct sur notre compte Twitter, @laméthodefc. On va rentrer, si vous le voulez bien, directement dans le vif de notre sujet. J'aimerais qu'on commence par dresser un portrait de Dickinsonia, ce fossile, ce fameux fossile qu'on a trouvé pour la première fois en 1947 dans un massif d'Australie méridionale, le massif d'Ediacara. Alors, Philippe Janvier, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu à quoi ressemblait Dickinsonia, nous dresser un portrait robot, sa taille, son mode de vie, l'environnement dans lequel il évoluait? Alors, c'est un petit fossile ovale d'environ... La plupart ont 1 cm de long, mais on a des spécimens qui vont jusqu'à à peu près 80 cm de long. Et ça ressemble un petit peu, comme vous l'avez dit, à une empreinte digitale. On le reconstitue souvent comme quelque chose d'un petit peu plat et légèrement enflé, un petit peu comme un matelas pneumatique. C'est assez curieux, avec des espèces de rides. Et effectivement, bon, on s'est longtemps posé la question de savoir à quel animal ça correspondait. Alors, il y a eu différentes hypothèses. On a pensé à un moment donné à une amibe géante, à une époque. Ensuite, il y a eu un collègue canadien, Grégory Retalac, a suggéré que c'était des lichens, que ce n'était pas du tout marin, que ça vivait sur le continent. Et cette hypothèse, maintenant, est abandonnée au vu des nouveaux résultats de... Alors, Ilia Borowski, voilà. On va revenir justement sur ces nombreuses hypothèses qui entouraient l'attribution de Dickinsonia à un groupe vivant, un groupe du vivant plus qu'un autre. Jean-Paul Saint-Martin, on a de la chance de vous avoir aujourd'hui en plateau puisque vous êtes venu justement avec des... Alors, c'est la radio, on va les décrire quand même. Vous êtes venu avec des exemplaires de ces fossiles-là, de ces premiers fossiles, en tout cas de ces images de vivants auxquelles ont été confrontés les chercheurs dans les années 40. Est-ce que vous pourriez nous les décrire, justement, ces fossiles que vous avez là? On va demander à quelqu'un de l'équipe de venir justement les prendre en photo pour les poster sur Twitter. Bah, je reprendrai la description de Philippe. C'est un fossile qui se présente sous forme d'empreinte ovale avec des stries qui délimitent ce que certains ont considéré comme des segments, mais qui n'en sont peut-être pas. Et ces stries, ces segments présentent une caractéristique. Elles s'orientent D'un côté vers le bas ou vers le haut, parce qu'on ne sait pas réellement où était le bas et le haut. On y reviendra, ça c'est voilà, important. Voilà, donc c'est important. Il s'oriente donc une partie vers le bas et à peu près à la moitié de l'ovale s'oriente vers le haut. Je dis le haut et le bas encore une fois pour ne pas dire trop de bêtises, c'est ce que je vois là. Et donc au centre il y a une strie médiane, une rainure médiane, à partir de laquelle se distribuent tous ces segments ou toutes ces stries. Alors c'est intéressant, j'aimerais comprendre un petit peu dans quel environnement évoluait Dickinsonia. On l'a retrouvé dans un massif montagneux, je le rappelle, un massif de grès. À l'époque où Dickinsonia était bel et bien vivant, à quoi ressemblait son écosystème, Philippe Janvier? C'était une mer profonde et chaude. Un environnement. À un moment donné, d'ailleurs, on a parlé à un moment donné du... C'est un collègue américain qui est McMenamin, qui a parlé du jardin des Diacaras, parce qu'il pensait que la prédation n'était pas encore apparue, qu'il y avait pas de, que tout était paisible entre ces êtres vivants. Et c'était une mer chaude et peu profonde. Oui. Bertrand Lefèvre, la période à laquelle vivait Dickinsonia, c'est une période qui court de moins 635 à moins 541 millions d'années environ. Cette période géologique, on l'a justement baptisée Ediacarien en référence au massif où a été retrouvé Dickinsonia. À quoi ressemblaient les autres organismes qui vivaient à la même époque et pourquoi cette faune, elle est nimbée d'une sorte de mystère? Oui, alors en fait, Ediacarien, c'est pour une période assez longue. En fait, les faunes qu'on appelle vraiment faunes d'Ediacara, elles ont connu leur apogée dans les 30 millions d'années, entre 570 et 540 millions d'années, juste avant ce qu'on appelle le début des temps fossilifères ou phanérozoïques, autrement dit le début du Cambrien. Donc vraiment, on a une transition, on est juste avant une transition majeure dans l'histoire de la vie, puisque à partir de 540 millions d'années, on retrouve dans les archives fossilifères, dans les strates, dans les roches, des restes abondants d'organismes qui sont clairement des animaux. Et pendant très longtemps, on pensait que dans les terrains plus anciens, donc les terrains notamment de l'Ediacarien, il n'y avait aucun fossile du tout, voire encore moins donc animaux. Et donc la découverte dans la réinterprétation dans les années 60 de ces fossiles qui sont, comme on l'a dit, qui font plusieurs centimètres de longueur, était une révolution, puisque c'est la première fois qu'on observait de la vie à l'échelle macroscopique, des formes qui faisaient 10, 20, 30, 40 centimètres, donc 30 millions d'années avant l'apparition de ce qu'on le considérait jusqu'à présent comme les plus anciens restes d'animaux. Voilà, l'Ediacarien, c'est donc la période, finalement, où la vie devient évidente et devient visible. C'est le phanérozoïque, c'est le Cambrien. Donc c'est juste à la fin de l'Ediacarien, et donc on ne connaissait pas de formes de vie plus anciennes, enfin en tout cas à l'échelle macroscopique, jusque dans les années 60. Alors des fossiles de l'Ediacarien avaient déjà été observés dès le 19e siècle, mais on pensait que c'était des traces d'échappement de fluides ou des phénomènes diagénétiques, et on ne pensait pas que c'était vraiment des fossiles. Et il a fallu quasiment un siècle pour qu'on... Déjà il y a aussi des problèmes de datation. Il a fallu quasiment un siècle pour qu'on se rende compte que c'était bien des organismes et qu'ils dataient de terrains plus anciens que le Cambrien. Parce qu'il y avait un blocage dogmatique. On ne pouvait pas imaginer qu'il existait des fossiles plus anciens. Oui. Voilà. Jean-Paul Saint-Martin, vous me brandissiez à l'instant un fossile en studio. On ne peut pas vous voir faire le geste, mais donc vous avez une preuve justement de ces autres fossiles de l'Ediacarien. Est-ce que vous pourriez me décrire un petit peu l'espèce que vous tenez entre les mains et à quoi correspond ce fossile en question? Alors ça correspond à ce que Bertrand Lefèvre vient d'évoquer, c'est-à-dire une trouvaille en 1868, je crois, à Terre-Neuve, il me semble, d'une forme, une sorte de disque avec des allures concentriques, des stries concentriques. Il a été appelé Aspidella et c'est le plus ancien fossile de l'Ediacarien nommé, en fait, dans la littérature. Et puis, comme il a été dit, par la suite, ces fossiles n'ont pas été rapportés directement et tout de suite à la période pré-cambrienne, avant le phanérozoïque. Donc, on les a laissés de côté. Puis on les a redécouverts eux aussi, puisque des terrains contenant des Aspidella, il y en a un peu partout dans le monde maintenant. On en a trouvé, nous, personnellement, en Roumanie, dans le précambrien de Roumanie. Et c'est ce que je vous montrais. Aspidella avait cette allure-là, c'est-à-dire de disques centimétriques, pluricentimétrique, avec souvent un petit bouton central et puis des sortes de stries concentriques peu nombreuses. Alors c'est intéressant parce que la Spidella justement n'a pas encore été attribuée à un règne du vivant plutôt qu'un autre. Ça a été un petit peu problématique aussi pour Dickinsonia de le caractériser, de le rendre animal finalement, de dire que c'était un animal. Pourquoi on a eu autant de mal finalement à se mettre d'accord pour dire que Dickinsonia est un animal, Philippe Janvier? Alors là c'est simplement, il faut savoir que les fossiles des Diacara, c'est finalement, comme le disait Bruce Runegger, qui est un grand spécialiste australien de ces fossiles du précambrien, les fossiles d'Idiacara sont finalement des masques mortuaires. C'est-à-dire en fait, on a des formes, c'est des moules, si vous voulez, et il n'y a plus de matière à l'intérieur, il n'y a même pas de structure à l'intérieur. Simplement, c'est des moules, on a la forme, c'est tout, comme un masque mortuaire. Et donc, on essayait de raisonner à partir des quelques structures qu'on voyait. Et l'un des arguments, l'une des pistes qu'on avait utilisées, c'était de voir un petit peu comment le Dickinsonia grandissait. Parce qu'on a des Dickinsonia de toutes les tailles, enfin jusqu'à 80 cm à peu près. Et on pense que c'était un animal modulaire, c'est-à-dire qui commençait, si vous voulez, ça ressemble un petit peu à un régime de banane, et vous avez des modules supplémentaires qui se rajoutaient latéralement, et c'est ce qui serait un petit peu, ce qui évoque un petit peu le mode de croissance des arthropodes, si vous voulez, des vers ou des vers. Et donc, on a essayé de s'appuyer sur cette question sur la question du mode de croissance. Alors, il y a un autre argument qui est intéressant, c'est le fait qu'on a des Dickinsonia qui ont bougé. On a des traces, des pistes de Dickinsonia qui se sont déplacées sur le fond. Et on a la trace. Et donc, ils devaient brouter, probablement, ou ils avaient peut-être un sillon central qui servait pour rassembler les fragments de bactéries qui pouvaient brouter comme ça. C'est ce qui en faisait finalement un meilleur candidat à être un animal qu'une plante. La motilité était quand même le propre de l'animal. Hein. La plante, en principe, ne bouge pas trop. Jean-Paul Saint-Marc. Oui, à propos de ces traces, donc, comme tout ce qui concerne les diacariens, ça a été controversé. Et c'est traces de déplacement supposées ont été aussi interprétées comme le déplacement post-mortem d'un cadavre. Oui, je l'appelle comme ça, mais je ne sais pas à quoi ça correspondait réellement. Voilà. Poussé par une vague. Voilà. Et le problème de brouter quelque chose, c'est le rapport avec le fait que beaucoup d'organismes médiacariens sont liés à ce qu'on appelle des tapis microbiens. Et ces tapis microbiens constituaient pratiquement un fond marin universellement répandu. Et quand on travaille sur de l'édiacarien, on est amené à tomber sur des surfaces entières, mais qui couvrent des espaces immenses de tapis microbiens. Donc c'est l'environnement aussi proche de Dickinsonia. Bertrand Lefebvre, il y a aussi quelque chose qui ne plaidait pas en la faveur de Dickinsonia quand on voulait le ranger parmi les animaux, c'est qu'il n'a pas de bouche, pas d'anus, pas d'intestin. Alors comment finalement on a émis cette hypothèse-là et pourquoi certaines personnes ont dit si c'est un animal malgré cette absence de caractéristiques qu'on attribue communément aux animaux? Oui, c'est vrai. Donc, ça pose aussi le problème de comment est-ce qu'on définit un animal. Alors, c'est vrai que la plupart des groupes, des phylums actuels d'animaux possèdent effectivement une belle symétrie bilatérale et surtout des organes internes, notamment un tube digestif avec une bouche et un anus. Donc, ça, c'est ce qu'on a chez tous les bilatériens. C'est l'essentiel des groupes actuels. Il existe toutefois, plutôt en groupe frère de l'ensemble de tous ces bilatériens, des animaux incontestables comme les éponges ou les cnidaires. Alors, ils n'ont pas vraiment de système digestif, mais au moins chez tout ce qui est méduse ou polype, on a effectivement au moins un orifice principal. Chez les éponges, il n'y a pas vraiment de bouche ou d'anus non plus, mais il y a au moins deux feuillets de cellules et une cavité interne. Chez les Dickinsonia et chez la plupart des animaux, des organismes des faunes des Diacara, on n'observe aucun orifice du tout. Alors, ça peut être possiblement liée à la préservation ou tout simplement au fait qu'il n'en possédait pas. Et ces caractéristiques peuvent évoquer des morphologies que l'on rencontre toujours chez des groupes très particuliers dans la nature actuelle, notamment les placozoaires, qu'on a un peu du mal à placer. Hein, on tend à les mettre plutôt tout à fait à la base, en groupe frère de l'ensemble des animaux, ou voire parfois un petit peu au-dessus des éponges, ça dépend, les classifications ne sont pas encore vraiment au point, mais plutôt à la base des animaux. Ce sont des animaux très simples, qui ont simplement deux feuillets de cellules, pas de cavité interne, ni bouche, ni anus, ni rien, et qui peuvent se déplacer, et qui n'ont, n'ayant pas de cavité gastrique, viennent en fait absorber en s'enroulant autour de la particule organique qu'ils veulent avaler. Donc ils créent une cavité de fait en s'enroulant autour. Et ça peut être des types d'organisations qui pourraient être compatibles avec ce qu'on a chez ces organismes de Diachara, qui ont une grande diversité de formes, mais globalement des constructions pour la plupart d'entre eux. Certains sont probablement clairement des animaux, mais il y a tout un ensemble de formes pour lesquelles on n'observe pas de caractère, en tout cas caractéristiques des animaux, je dirais, au moins de grade bilatérien, donc ceux qui ont une bouche, un anus. Et on a peut-être quelque chose qui serait assez proche de ce qu'on a à la base, tout à fait à la base, des animaux actuels, effectivement. Philippe Janvier, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, c'est effectivement la raison pour laquelle on est coincé avec la morphologie, avec ces animaux-là. On bute contre le fait que il n'y a pas de structure interne conservée. Comme je vous ai dit, c'est un masque mortuaire. Ce sont des masques mortuaires, rien d'autre. Alors c'est la raison pour laquelle Bruce Renegar, qui est un Australien, qui est le père de l'école australienne de paléontologie, a beaucoup travaillé sur l'utilisation des molécules fossiles. Il recherchait des molécules fossiles pour essayer de retracer un petit peu la position phylogénétique de certains de ces fossiles. Et c'est la raison pour laquelle le jeune chercheur qui a fait cette découverte publiée dans Science, Ilya Bobrovsky, est allé en Australie parce qu'il avait accès à des types de gisements des diacariens tout à fait particuliers dans le nord de la mer de la mer Blanche en Russie. Et là, il y a très peu ce sont des grès, mais où il y a très peu de percolation. Et c'est le gros problème des diacaras, c'est qu'effectivement, c'est des grès qui sont très poreux et dans lesquels l'eau a pu percoler pendant des millions d'années et donc faire disparaître les traces de molécules chimiques. La méthode scientifique, Antoine Beauchamp. À 16h17, vous écoutez France Culture, la méthode scientifique. Nous parlons aujourd'hui de Dickinsonia, ce fossile qui vivait il y a 550 millions d'années et qui nous livre au compte-gouttes des informations sur sa vraie nature. Et pour percer à jour les mystères de Dickinsonia, la Dream Team de paléontologues qui nous accompagne aujourd'hui se compose de Jean-Paul Saint-Martin, Philippe Janvier et Bertrand Lefebvre en duplex depuis Lyon. Mais avant de continuer notre enquête sur Dickinsonia, je voudrais emprunter un léger détour et vous faire entendre la voix du botaniste Fernand Moreau qui, en 1958, parlait de fossiles dans l'émission La Science en Marche. C'était sur la radiodiffusion française. L'expression de fossile vivant renferme deux choses. Il y a ce qu'apporte le fossile et il y a ce qu'apporte le naturaliste. Voilà. Ce qu'apporte le fossile, il apporte une impression. Tel organisme a l'air d'être ancien. S'il nous était possible d'en faire un moulage, de le modeler dans la glaise et de donner à la glaise de la solidité en la faisant cuire, nous aurions là quelque chose qui ressemble à un fossile comme il y en a dans les collections de paléontologie. Bien entendu. Et nous dirions, c'est un fossile, mais ce fossile, il se trouve qu'il vit et c'est là ce qui nous étonne. Il vit, non seulement il vit, mais il survit. Et c'est à cause de cela que nous y voyons un survivant, une survivance et que nous y voyons une relique. Alors, on l'entend, la mission du paléontologue, c'est de faire parler ces reliques, ces reliquats, ces traces de vie passée que sont les fossiles. Alors déjà, est-ce que vous avez une réaction sur cette archive que vous venez d'entendre, où on entend cet accent délicieux de Fernand Moreau ? Oui, c'est le problème du fossile vivant, qui est un terme qui est apparu au moment dans le livre de Darwin, enfin, l'origine des espèces. Simplement, il a comparé des formes fossiles avec des formes actuelles qui sont restées, qui ont conservé des traits primitifs. Et bon, le terme de fossile vivant est, voilà. en principe à proscrire. Oui, oui, oui. Ça appartient n'est plus utilisé même dans l'enseignement. Non, maintenant. Bon, mais en tout cas, la mission du paléontologue reste la même, c'est celle de faire parler ces fossiles voilà. Et de nous permettre d'en savoir plus sur nos origines et sur l'évolution des espèces. On l'évoquait en début d'émission, il y a une équipe de l'Université nationale d'Australie qui faisait paraître en septembre dans la revue Science une étude qui vient confirmer que Dickinsonia était un animal. Philippe Janvier, juste avant la diffusion de l'archive, vous me parliez un petit peu de ces techniques qui ont permis de mettre en avant la nature animale de Dickinsonia. En quoi est-ce que cette étude, elle semble apporter une preuve déterminante du caractère animal de Dickinsonia et sur quoi elle se repose pour l'affirmer ? Eh bien, elle se repose essentiellement sur la découverte d'une molécule qui est bien connue d'ailleurs, parce qu'on en a... On en a plein, malheureusement, chez nous. C'est des cholestérols, des stérols de type animal, et qui sont des signatures biochimiques du groupe, enfin, du monde animal. Alors, effectivement, on peut discuter. Il y a des stérols végétaux, naturellement aussi, mais c'est pas les mêmes. La structure est différente. Mais l'essentiel, c'est d'avoir des fossiles dans lesquels l'eau n'a pas percolé la matière organique. Et là, c'est le cas de ce qui a été trouvé dans ce gisement de la mer Blanche, où les molécules sont restées relativement stables à cause de cette absence de percolation. Jean-Paul Saint-Martin. Juste dire un mot pour compléter. Les stérols qui ont été identifiés et qui sont considérés comme des molécules fossiles, ne sont pas directement le cholestérol initial. C'est des composés gras qui ont subi déjà une transformation au cours du temps. Oui. Donc transformation qu'on connaît, et c'est en partant de ce raisonnement que, à partir des stérols retrouvés dans les échantillons, on est arrivé jusqu'au cholestérol qui signerait... une nature animale de Dickinsonia. En préparant cette émission, Jean-Paul Saint-Martin, vous me racontiez un petit peu les conditions rocambolesques de prélèvement de ces fossiles. Les fossiles, quand ils n'ont plus de molécules chimiques, finalement, ils sont comme muets, mutiques. Alors comment ça s'est passé et pourquoi ces roches-là, en Russie, vers la mer Blanche, ont permis de conserver ces molécules chimiques d'estérol dont on parle, qui ont permis à cette équipe australienne de dire « Dickinsonia est un animal ». Je crois qu'il y a deux aspects, celui qu'a évoqué Philippe, fort justement, et le deuxième aspect, c'est la présence des tapis microbiens. Ces fameux tapis microbiens ont la capacité de préserver, parce qu'ils contiennent des substances aussi qui isolent le fossile, et tous les cas, pratiquement pas tous, mais pratiquement la plupart des cas de fossilisation très exceptionnels se rapportent à la présence d'un tapis microbien, un film si vous préférez, quelquefois très mince, mais suffisant pour préserver la matière organique suffisamment longtemps dessous. Après, il y a toute l'histoire que raconte Philippe. Là. Bertrand Lefebvre, aussi, en préparant cette émission, vous me disiez que le fait que ces fossiles aient été prélevés non pas par forage, mais par un prélèvement directement dans la falaise, avait eu son importance. Alors pourquoi ça a une telle importance ? Oui, parce qu'en forant, on peut donc injecter des différents produits, notamment des huiles, qui peuvent contaminer du coup la roche. Et là, le fait que ça ait été prélevé en falaise, on est sûr qu'on n'a pas eu de contamination au moment du prélèvement. Effectivement. Et effectivement, ça a été très bien expliqué dans la revue. Ils ont également fait des différents documentaires. On voit très bien la manière dont ça a été prélevé, tous les soins qui ont été apportés au niveau en laboratoire, au niveau du traitement, pour qu'il y ait absolument aucune contamination. Ils ont été très strict là-dessus et je pense que les résultats sont tout à fait fiables. D'accord. À la parution de cette étude sur Dickinsonia, certains ont dit, alors sans doute avec un peu d'exagération, que les résultats obtenus par l'équipe australienne faisaient de Dickinsonia le Graal de la paléontologie. Alors Philippe Janvier, est-ce que ça vous semble être le Graal de la paléontologie et si oui, pour quelles raisons ? Oh non, c'est vrai que toute conservation exceptionnelle, tout cas de conservation exceptionnelle, qui par définition est exceptionnel, est un Graal. C'est quelque chose dont on rêve, c'est d'avoir un fossile où toutes les structures internes sont parfaitement conservées. Je me souviens très bien, il y a une dizaine d'années, lorsque j'avais découvert avec un jeune collègue, Alain Pradel, le cerveau fossile à l'intérieur du crâne d'un requin d'environ 250 millions d'années, et qui a été conservé exactement de la même manière. Alors, il n'y a plus de matière organique. Simplement, le cerveau a été conservé grâce à un film bactérien qui a couvert le cerveau au moment de la mort de l'animal et qui ensuite a transformé le cerveau en une cavité, si vous voulez. Et à l'intérieur de ce cerveau, cette cavité, se sont formés des cristaux de phosphate de calcium qui ont permis la conservation de la forme. Mais naturellement, il n'y aura plus. C'est uniquement la forme du cerveau qui est conservée, ou du moins qui est imitée par la répartition des cristaux de phosphate de calcium. Et donc, on n'a que la forme. Il n'y a aucun espoir d'avoir ne serait-ce que de l'ADN ou des neurones ou quoi que ce soit, malheureusement. Mais c'est un cas de conservation exceptionnel. Jean-Paul Saint-Martin, pourquoi, selon vous, voilà, on parle de Graal de la paléontologie, et pour vous, est-ce qu'il y a juste un effet d'annonce en parlant de Graal de la paléontologie ? Je dirais qu'il y a les deux. Est-ce que Dickinson oui, parce que là, je ne peux que répéter ce qu'a dit Philippe. Les cas de conservation exceptionnels, c'est une manne pour les paléontologues. Il n'y en a pas tant que ça dans le registre fossile, en fait. C'est très parsemé. Il y en a au Cambrien, mais je pense que notre collègue Bertrand Lefebvre en parlera bien mieux que moi. Et puis, bon, ça s'échelonne par-ci, par-là. Mais par contre, il y a des milliards de fossiles, par ailleurs, qui ne reflètent pas une conservation exceptionnelle, mais qui apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de renseignements aussi. Bertrand Lefebvre, vous qui travaillez sur le Cambrien, donc la période géologique qui succède à l'Édicarien, est-ce que ça vous donne pas envie de changer de vie, d'aller travailler sur l'Édicarien, d'aller travailler sur le Dickinsonia, et pourquoi Dickinsonia peut vous intéresser vous directement ? Alors c'est intéressant, c'est donc on a quasiment tous nos groupes animaux qui sont présents dès qu'ils apparaissent dans le registre fossile, et on est un petit peu frustré parce qu'on a un peu du mal à voir ce qu'il y a avant. C'est comme étonnant, on se dit que s'ils apparaissent tous quasiment en même temps dans les archives fossiles, il y a une évolution antérieure qui nous échappe. Donc pour nous c'est intéressant de voir ce qu'il y a en dessous, forcément. Je n'envie quand même pas trop mes collègues qui travaillent sur le précambrien, parce qu'en termes de préservation, de qualité de préservation qu'on a dans le cambrien, voire dans l'ordovicien, on a une finesse de préservation qui est nettement supérieure, et notamment on n'a pas ce problème de masque mortuaire, parce qu'on a accès aux parties molles à l'intérieur des organismes. Donc on a une richesse de détails auxquels n'ont pas accès les collègues qui travaillent sur le précambrien, puisque comme on l'a dit, ils ont uniquement le moulage de l'aspect extérieur de l'animal. Donc c'est vrai que c'est assez frustrant pour ceux qui travaillent sur le précambrien. Par contre, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que c'est une petite fenêtre quand même sur un monde disparu et qui peut nous aider à mieux comprendre la diversité qu'on observe relativement brusquement au début du cambrien. Jean-Paul Saint-Martin. Oui, c'est la même idée que je voudrais développer. En fait, puisque je suis amené avec une équipe du Muséum d'Histoire Naturelle à travailler sur des terrains précambriens, je ne peux que confirmer que c'est très difficile sur le terrain, les terrains précambriens qui sont souvent schistosés, donc ils ont été déjà transformés dans des roches, les minéraux ont été transformés, les surfaces ont été transformées, il y a de la fracturation qui découpe en frites, en quelque sorte, les surfaces de l'Édicarien. Donc tout ça, il y a des déformations, si vous... Je montre encore mon aspidelle là et on voit qu'elle est ovalisée, mais elle n'est pas ovale au départ. Elle est cylindrique, enfin pas cylindrique, mais discoïde, un disque simple, voilà. Et bon, tout ça amène des déformations importantes, et c'est le cas de la plupart des terrains précambriens, enfin que je sache. Et moi, je suis avec notre équipe du muséum confronté à ça. Philippe Janvier, pour revenir à cette notion de Graal de la paléontologie, est-ce que Dickinsonia, ça constitue un de ces chaînons manquants, même si l'expression est un peu délicate, est-ce que ça constitue une de ces clés de voûte du vivant, et si oui, laquelle ? Non, ça peut nous montrer un état... Si on arrive à savoir dans quel grand groupe se place Dickinsonia, est-ce que c'est vraiment un bilatérien ? Oui, je pense que c'est un bilatérien, mais est-ce que c'est un pré-arthropode, par exemple, ça peut nous donner des indications sur la méthode du développement modulaire, c'est-à-dire par par segments successifs des premiers arthropodes. Mais pour le moment, rien n'indique que Dickinsonia est un arthropode. C'est une supposition, c'est une possibilité, c'est tout. À 16h30 dans la méthode scientifique, rien de mieux que les fossiles du carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns pour parler de Dickinsonia, ce fossile animal de plus de 540 millions d'années qui nous occupe aujourd'hui et qui serait l'un des plus vieux fossiles animaux connus. Pour évoquer le sujet, nous sommes autour de la table de la méthode scientifique avec Jean-Paul Saint-Martin, Philippe Janvier et en duplex depuis Lyon avec Bertrand Lefebvre. Alors, l'émission ne s'appelle pas la méthode scientifique pour rien et on a vu que pour l'étude qui vient de confirmer le caractère animal de Dickinsonia, la méthode suivie de biogéochimie avait été déterminante. Pour le reportage du jour, je suis allé voir un peu comment ça se passait du côté des laboratoires de paléontologie. Je suis allé rencontrer Damien Germain, qui est paléontologue et responsable de collection au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et on s'est penché sur le cas d'un fossile de poisson, joliment nommé Astrapsis, pour comprendre de quels outils disposent aujourd'hui les chercheurs pour faire parler leurs fossiles. Alors on a plusieurs millions de spécimens fossiles, hein, peut-être même une dizaine de millions. Dans les plus anciens, en tout cas vertébrés, que je connais, c'est, on a des espèces de poissons cuirassés qui datent de l'Ordovicien. Les plus vieux, donc l'Ordovicien, c'est à peu près 470 millions d'années. Donc les plus vieux ont cet âge-là, ils viennent de Bolivie. Et on en a d'autres un peu plus récents que j'ai ici, qui viennent aussi de l'Ordovicien, un peu plus récents, 450 millions d'années, et qui viennent des États-Unis. Là, on est dans votre labo. Sur une table, il y a une boîte avec des petites lamelles et une pierre. Alors, quelle est cette pierre? D'où elle vient? Et pourquoi elle vous intéresse? Alors, cette pierre, donc, qui est une sorte de grès rouge, hein, donc c'est un sable consolidé, vient des États-Unis. Donc, ça vient du Colorado. Elle a été ramenée par d'anciens pontes du muséum Marcelin Boule et Albert Gaudry. Lors d'un congrès en 1891 aux États-Unis, on a dans ce grès beaucoup de petites inclusions blanches qui sont des débris, finalement des débris d'os, de très vieux poissons. Donc une des façons de les étudier, c'est de couper dedans, d'en faire une lame suffisamment mince pour qu'on puisse voir en transparence au microscope. Donc c'est la façon dont c'est principalement étudié, et donc on peut regarder comme ça les structures de cet os, hein, qui est de ce qu'on appelle de l'os dermique, donc qui est en surface de l'animal, qui compose sa carapace qui était sur sa tête. Et cet os est constitué de beaucoup de petits tubercules qui ont finalement une structure de dents, qui ressemble beaucoup des dents, avec une sorte d'émail à l'extérieur, une couche de dentine en dessous, et encore en dessous, une couche osseuse. Alors comment on fait parler finalement un fossile? Vous me parliez des lamelles, du coup, qui sont utilisées pour les observer au microscope. Est-ce qu'il y a d'autres façons de chercher des informations dans cette trace de vie très très ancienne? Oui, on a beaucoup de façons différentes de les étudier. Donc on peut les préparer, donc les sortir de leur gangue rocheuse, et donc pour après étudier l'anatomie externe finalement. On peut également en faire ce qui est assez à la mode en ce moment, des CT scans. Donc on passe dans des machines à tomographie à rayon X qui permettent de voir à l'intérieur du fossile sans avoir le détruire. Alors on n'a pas exactement les mêmes informations que quand on coupe, quand on fait une lame à l'intérieur, mais c'est complémentaire. On peut faire également des analyses chimiques, donc soit en réduisant en poudre une partie du fossile et en analysant les éléments chimiques, soit en passant aussi à des méthodes d'imagerie dans différents synchrotrons pour voir la répartition de différents éléments, par exemple, ou divers éléments chimiques. Alors revenons un petit peu à cette lamelle que vous avez préparée sous le microscope. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer à partir de cette lamelle-là ? Alors ici, donc on a un de ces tubercules d'Astraspis, c'est son nom. Ça vient du mot grec astra, hein, qui veut dire une étoile. Parce que donc là, on a coupé dans le sens vertical, mais parfois, à l'extérieur, ces tubercules ont une forme d'étoile. Donc voilà, ils ont donné ce nom-là. Donc dans ce sens de coupe, on voit donc cette structure qui ressemble à une dent, donc avec une couche d'émaillouïde. C'est une sorte d'émail. En dessous, une couche de dentine, qui ressemble pas mal à la dentine qu'on a nous-mêmes. Et à l'intérieur, de l'os et une sorte ici de cavité, comme une cavité pulpaire d'une dent. Et tout ça repose sur une couche osseuse beaucoup plus spongieuse. On dit spongieuse parce qu'elle est très vascularisée et assez poreuse. Et tout ça constituait justement le bouclier de la tête de ces vertébrés. Là, la difficulté principalement avec ce matériel, c'est que c'est principalement des morceaux, des débris. Donc il n'existe que pour ce poisson-là, hein, que deux espèces à peu près, on dit en connexion, c'est-à-dire avec l'animal, avec sa forme initiale, avec les os, le squelette à peu près en place. Et donc c'est assez difficile de dire, par exemple, où était situé ce bloc que je vous montre. On ne sait pas s'il était à l'avant de la tête, à l'arrière, au milieu du corps, sur le ventre, sur le dos. Alors quelle forme il avait, cet animal ? Eh bien, ça ressemblait à ce qu'on peut assimiler à un têtard casqué. Il n'avait pas de nageoire pectorale pelvienne, donc il n'avait qu'une nageoire caudale, qu'une queue. Et l'avant du corps était recouvert de grosses plaques osseuses. L'arrière était recouvert d'écailles assez grosses. Il avait deux petits yeux et une bouche plutôt ovale et aplatie à l'avant, mais une bouche sans mâchoire, donc il ne pouvait pas la fermer. Quel était son environnement à ce fossile-là ? Dans quel type d'espace il évoluait ? Et à quoi ressemblait la Terre finalement à ce moment-là ? Et ça, est-ce qu'on peut le savoir justement à partir des sédiments dans lesquels on retrouve ces fossiles, etc. ? Alors ces animaux vivaient dans la mer, mais très près des côtes. Hein. C'était des animaux qui étaient côtiers, qui ne pouvaient pas s'aventurer très loin dans l'océan. On peut savoir à quoi ressemblait la Terre à l'époque en fonction des sédiments. Ici, on a beaucoup de débris d'animaux, donc ce qui veut dire qu'il y a eu un courant qui les a abîmés, et d'autres endroits où en fait ils se sont déposés, donc où c'était beaucoup plus calme. Ce sont ces zones plus calmes qui ont permis le dépôt de ces roches. Ce fossile-là, est-ce que potentiellement il a côtoyé un parent ou même Dickinsonia directement ? Non, il n'a pas pu côtoyer Dickinsonia parce que il est beaucoup plus récent et Dickinsonia s'est éteint bien avant. Et les parents de Dickinsonia, c'est quand même un peu un mystère. Voilà pour le reportage avec Damien Germain au Muséum d'Histoire Naturelle. Une réaction peut-être à vous trois autour de ce reportage, Jean-Paul Saint-Martin, Philippe Janvier, Bertrand Lefebvre, qui commence ? Jean-Paul Saint-Martin peut-être ? Au niveau des techniques, puisqu'il a été évoqué des techniques qui permettent de faire avancer le travail paléontologique, donc il y a aussi... les scanners surfaciques qui ont été utilisés dans le cas des organismes édiacariens pour faire parler la surface, en quelque sorte, et faire parler ce qu'on voit peu, c'est-à-dire les reliefs. Les micro-reliefs. Voilà. Donc ça a été utilisé surtout pour d'autres types d'organismes. Dans le cas du travail de Bobrovsky, ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'il n'a pas utilisé uniquement cette méthode sur Dickinsonia, mais il a essayé de trouver des biomarqueurs sur d'autres types, et ça on le dit pas assez parce que c'est tout aussi important, mmh. Mais des fossiles qui sont pas aussi iconiques, hein, qui sont pas le Graal dont on parle, mais qui proviennent pratiquement des mêmes niveaux, et donc il a utilisé la technique des biomarqueurs de la même façon avec le même traitement technique et sur d'autres types de fossiles dont je vous ai aussi apporté un exemplaire, qui sont des sortes de disques ridés contigus, qui s'appellent Beltaneliformis. Et l'article précédent de Bobrovsky concernait ce type de fossile. Et ils ont montré qu'il ne s'agissait pas du tout d'animaux, même si à un moment donné ils ont été considérés comme tels, mais plutôt d'organismes microbiens et plutôt de colonies cyanobactériennes. Philippe Janvier, une réaction justement sur cette évolution du métier de paléontologue et cette évolution technique notamment. On a pas mal parlé finalement par cet article d'une forme de renaissance de la paléontologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce mot de renaissance ? Oh, c'est beaucoup dire. Oui. La renaissance vient du fait qu'on utilise maintenant beaucoup plus les marqueurs biogéochimiques qu'autrefois. Avant, on se contentait de la forme, de la morphologie, et d'essayer de voir un petit peu comment les animaux avaient fonctionné, ces fossiles avaient fonctionné. Mais grâce aux données biogéochimiques, maintenant, on arrive quand même à avoir un point d'ancrage pour attribuer des fossiles à un groupe particulier, un groupe comme par exemple les vertébrés ou les gros animaux, etc. Et donc, ça montre, en tout cas, ce type de recherche montre que ce qui est très important maintenant, c'est d'explorer un maximum de spécimens. Ouais. C'est-à-dire d'avoir des grandes collections à sa disposition, pas forcément du même gisement d'ailleurs, ça peut être des gisements différents, mais c'est la multiplicité des spécimens qui fait qu'on a, par chance, on peut tomber sur le spécimen qui a encore ses marqueurs géochimiques, biogéochimiques. Et ça, c'est le plus important. Donc ça nécessite donc beaucoup de travail de terrain, explorer, donc voir beaucoup de gisements différents et dans différentes conditions de sédimentation. Bertrand Lefebvre, sous cette question justement de l'exercice du métier de paléontologue aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez plus chimiste que paléontologue, aventurier, entre guillemets ? On a effectivement, comme c'était dit, c'est vraiment un travail en complémentarité. On peut pas être tout à la fois, mais c'est un gros travail en équipe. Quand on fait des missions de terrain, donc il y a des paléontologues, purs et durs, un peu à l'ancienne, qui vont plus travailler sur la morphologie des organismes. Mais on travaille beaucoup effectivement des sédimentologues. Et même dans mon équipe, il y a des collègues qui travaillent exclusivement sur les biomarqueurs. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est effectivement, maintenant on s'en contente plus uniquement d'écrire l'aspect du fossile. C'est vraiment un travail intégré avec plein de compétences différentes qui vont venir s'ajouter pour vraiment extraire le maximum d'informations pour faire parler le fossile. Il n'y a pas que la biogéochimie qui s'y met pour perturber vos travaux, il y a la statistique aussi. On estime que l'apparition des premiers animaux devrait remonter à environ 710 millions d'années, je parle sous votre contrôle, donc environ 160 millions d'années avant Dickinsonia. Ça vous fait encore un vide à combler, et comment on aborde ce genre d'estimation ? Alors ça, c'est des estimations qui sont des estimations qui sont faites par la biologie moléculaire, c'est-à-dire on n'étudie pas seulement les molécules pour elles-mêmes, mais on regarde, par exemple, les séquences d'acides aminés dans des chaînes d'ADN. Et alors, cette phylogénie moléculaire nous permet de voir un petit peu quel est le plus récent ancêtre commun de tout un groupe. Et on arrive pour les animaux à la divergence entre les champignons et les animaux, on la place à environ 700 millions d'années, des choses comme ça à peu près. Mais c'est uniquement c'est du calcul statistique. Hein. J'aimerais mieux avoir les fossiles eux-mêmes plutôt que de. Ben on les aura. Ah, vous les aurez. On les aura peut-être. Peut-être c'est les organismes bizarres qu'on a trouvés dans le précambrien du Gabon. C'est sont tout près de cette divergence à 2 milliards 200 millions d'années à peu près. Jean-Paul Saint-Martin, justement, sur cette question de l'estimation statistique, comment on aborde ça quand on est paléontologue et comment on envisage ces trous qui sont de plus en plus profonds à partir du moment où on retourne plus loin dans le passé ? En fait, l'expérience montre que ces trous sont comblés progressivement, comme le disait Bertrand Lefebvre, par de l'exploration, et il n'y a plus beaucoup d'énormes trous en réalité. Et bien sûr que les cas de conservation exceptionnels sont cette fenêtre qui permettent de ravancer encore ou reculer, ça dépend comment on l'entend, l'apparition ou les points de divergence entre des grands groupes, des grands clades. On va poursuivre notre enquête, notre quête finalement des profondeurs les plus reculées du vivant. Je vous propose d'écouter une autre archive. Il s'agit du paléontologue Jean Piveteau, qui parlait en 1952 des rapports entre les théories de l'évolution et de la paléontologie. C'était dans l'émission Le Roman des Sciences. Il convient de ne pas oublier que les doctrines lamarckiennes et darwiniennes ont été formulées à une époque où nous ignorions à peu près tout des faits paléontologiques. Aussi actuellement, lorsque nous voulons adapter ces notions anciennes à tout ce que nous savons, nous avons évidemment quelques difficultés pour interpréter, dans une perspective lamarckienne ou darwinienne, l'ensemble des faits paléontologiques connus. Plus exactement, nous avons l'impression que ces vieilles théories sont tout à fait superficielles, ne descendent pas jusqu'au fond de nos connaissances. En somme, elles laissent à peu près de côté tout l'essentiel de ce que nous savons de l'histoire de la vie. Voilà le paléontologue Jean Pivoteau qui parlait en 1952 de ce rapport entre paléontologie et théorie de l'évolution. Alors Philippe Janvier, comment vous réagissez à cette archive ? Je vais vous surprendre en vous disant que probablement la paléontologie n'a peut-être pas grand-chose à voir avec l'évolution. Ah, alors dites-nous tout. En fait, ça m'intéresse. L'évolution, c'est dérivé d'un modèle basé sur la biologie, sur le vivant. Et on a rattaché les données fossiles à un modèle qui est un modèle d'explication de la diversité du vivant. Mais il se trouve qu'effectivement le côté historique, chronologique de l'histoire de l'évolution telle qu'on l'a reconstituée à partir des données biologiques colle assez bien, globalement colle assez bien avec les données paléontologiques. Mais c'était pas gagné d'avance au départ. Et il se trouve que bon, on a la chance que ça marche. Et donc le modèle de l'évolution est correct et cohérent avec les données fossiles. Bertrand Lefebvre, sur cette question des liens entre paléontologie et évolution, est-ce que avec l'étude de Dickinsonia, l'étude récente qui fait de Dickinsonia un animal et peut-être un des plus vieux animaux connus, est-ce que cette étude en question, elle confirme le fait qu'il faut sans cesse repenser la classification du vivant et que cette classification-là ne sera jamais terminée ? Oui, effectivement. Donc, une classification, elle évolue au cours du temps. Et la classification qu'on a aujourd'hui sera remise en cause par de nouvelles découvertes. Alors, je pense qu'au niveau des animaux, des bilatériens, des relations entre les grands groupes, maintenant, on a suffisamment de données, notamment parce que la plupart ont encore des représentants actuels. Donc, les données moléculaires ou génétiques, c'est assez bien établi entre les grands groupes. Par contre, donc, les grands groupes, on le rappelle, c'est bactéries, archées, eucaryotes, c'est ça ? Oui, puis même au sein, je dirais, les grands phylums au sein des animaux, ça ne bouge plus beaucoup. Mm-hmm. Par contre, effectivement, pour ancrer les différents groupes dans les temps plus anciens, notamment les formes un peu énigmatiques, comme le Dickinsonia, effectivement, là, par contre, je pense qu'on n'est pas, on sait pas encore précisément où le mettre au sein des animaux. Donc là, il y a encore du travail à faire. Bon, c'est déjà important de dire que Dickinsonia est un animal, Jean-Paul Saint-Martin. Pourquoi c'est aussi important, finalement, de faire rentrer Dickinsonia dans la case des animaux et pas celle, par exemple, je sais pas, des plantes, des champignons? Bon, ça a été tenté, hein, oui. Avec Rétala, que Philippe en parlait. Ça a fait du bruit il y a une dizaine d'années, pas tout à fait. Oui. Pas tout à fait une dizaine d'années. Ça fait beaucoup de bruit. Ça a suscité beaucoup de réactions. Bon, moi je trouve que ce genre de débat a été très sain puisque ça a permis de mettre pas mal de choses en place, ça a activé un petit peu peut-être les travaux récents là. Oui, certainement. Celui de Bobrovski, parce que Bobrovski, il a pas dit tiens, je vais prendre quelque chose en Russie et puis bon, je vais le mettre dans des appareils et faire sortir des résultats. Non, c'est toute une équipe qui a pensé que c'était le meilleur moyen maintenant de le faire. Cela dit, depuis 2-3 ans, il y a eu un certain nombre d'études, de travaux, parallèlement, des fois sur des bases assez contradictoires, qui se sont basées sur le développement de Dickinsonia. Et tous ces travaux, quels qu'ils soient, quel que soit leur fondement et les techniques utilisées, qui sont souvent statistiques, ont abouti au fait que c'était des animaux. Et donc, depuis déjà quelques années, alors on a l'impression de régresser puisqu'on a considéré dès le départ que c'était des animaux. Mais en fait, c'est les façons d'étudier qui posent de nouveau des problèmes et qui font repartir la machine presque à zéro. Et dans le cas de l'étude sur Dickinsonia, là, c'est la méthode qui oblige à ce questionnement. Oui, tout à fait. On part du constat que des stérols sont dérivés des cholestérols, donc on se pose la question animal, pas animal, est-ce que voilà. Mais c'est une nouvelle façon d'aborder. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont définitivement clos le sujet. Alors le sujet sera clos définitivement quand et à partir jamais, de j'espère, jamais. Oui. J'espère jamais. Sauf si on trouve. Voilà, si on trouve. Si on trouve un Dickinsonien encore vivant. Voilà, qui se balade quelque part. Au fond d'un océan. Le rêve. Jean-Paul Saint-Martin, vous travaillez sur un autre, finalement, un congénère de Dickinsonien qui s'appelle Aspidella, qui n'appartient, lui, un peu comme un orphelin, à aucune famille du vivant. Voilà. Alors, pourquoi ces problématiques et... Alors, Aspidella, en question, ce disque n'est pas l'organisme en lui-même. Et ça a été une révolution à un moment donné aussi dans la classification des organismes médiacariens. C'est un disque, en fait, qui correspond à un crampon d'organismes qui possédait une tige suivie d'une sorte de feuille matelassée, un peu comme le disait Philippe sur les organismes médiacariens et sur Dickinsonia. Et tout ce groupe est antérieur à Dickinsonia. Les premiers apparaissent environ à 570 millions d'années. Si ce sont des animaux, si on arrive à le prouver peut-être par cette méthode, c'est eux les plus anciens animaux. Connus. Oui. Connus, hein. Bon, affaire à suivre du coup. Affaire à suivre. Bertrand Lefebvre, l'évolution du vivant, c'est quelque chose qui est ponctué d'extinctions plus ou moins massives. Vous, on l'a dit, vous travaillez sur l'époque qui fait suite à la période où vivait Dickinsonia. Est-ce qu'on a une idée de ce qui a pu provoquer la bascule relativement rapide, puisqu'il s'agit de quelques dizaines de millions d'années, entre la faune de l'Édicarien, à laquelle appartient Dickinsonia, on le rappelle, et la faune, pour le coup, mieux connue de l'époque géologique suivante, le Cambrien, qui a lui-même connu une multiplication sans précédent de groupes animaux nouveaux? Oui, alors donc effectivement, il y a encore quelques années, on pensait que c'était un événement assez brutal hein, qui entraînait la disparition des fameux jardins des Diacara, qu'on a évoqué tout à l'heure. Un monde un peu idéal sans prédation et remplacement par les communautés animales comme on peut les connaître actuellement. Plus ça va, plus on se rend compte qu'en fait, on a des animaux sans strict, y compris avec des coquilles, beaucoup plus bas, dans des terrains plus anciens que ce qu'on essaie jusqu'à présent. Et il semblerait qu'on ait en fait un continuum sur 10, 15 millions d'années où on a une transition beaucoup plus douce que ce qu'on pensait jusqu'à présent. Et un des faits majeurs, effectivement, dans ce jardin des Diacara, il y avait très peu de prédation. Et surtout, les animaux, probablement, jouaient un rôle assez mineur. Et on voit des traces de broutage. Effectivement, faut imaginer des fonds marins très différents de ceux qu'on connaît actuellement ou à partir du Cambrien. Ça a été dit avant, les fonds marins à les Diacariens étaient spongieux, fermes, scellés par des voiles microbiens. Et sur lesquels pouvaient se fixer ces disques d'attachement dont on a parlé juste avant, où pouvaient vivre les animaux, les organismes des faunes des Diacara. Et le développement vraiment des premiers mollusques, des premiers animaux, comme on l'entend actuellement, ont progressivement brouté ces voiles, ont progressivement, ce qu'on appelle la révolution agronomique, ont labouré les fonds marins. Et ce changement écologique qui s'est pas fait du jour au lendemain, qui a pris 10, 15, 20 millions d'années, a progressivement entraîné la disparition des environnements dans lesquels prospéraient les faunes des Diacara, et on contribue au développement à l'échelle mondiale des fonds marins meubles, mous, bioturbés, dans lesquels il y a, en gros, ça grouille de vie. Et en fait, les animaux ont, d'une certaine manière, entraîné et contribué à la création de nouvelles niches écologiques qui ont permis leur diversification, donc à partir du Cambrien. Jean-Paul Saint-Martin. Oui, je voulais juste rajouter une chose, c'est que durant la période édiacarienne, on a ce qu'on appelle des traces fossiles, qui sont des traces diverses, soit de positionnement, ça a été dit pour Dickinsonia, soit des traces de déplacement. Mais toutes ces traces de déplacement, et notre équipe l'a également vu sur le précambrien de Roumanie, sont horizontales. À partir du Cambrien, il y a cette révolution, et cette révolution se marque aussi par une rentrée dans le sédiment, dans le substrat. Et à partir de ce moment-là, c'est aussi une distinction qu'on peut faire entre précambrien et cambrien. Oui, on a des terriers verticaux. Voilà. D'accord. Philippe Janvier, sur cette extinction-là des animaux, de la faune de la période de Dickinsonia, de l'Ediacarien, pardon, est-ce qu'on peut imaginer finalement un scénario assez voisin de celui qui a permis aux mammifères d'exploser au moment de l'extinction des dinosaures? Oh, oui et non, dans la mesure où, bon, c'est vrai que c'est comme l'a expliqué Jean-Paul Saint-Martin, c'est une période où il y a eu tout d'un coup un bouleversement écologique lié à la pénétration des fonds marins par les organismes fouisseurs. Et c'est surtout ça, c'est tout d'un coup le fait que ça grouillait partout, un petit peu de verre, des vers grouillaient partout dans le fond des océans. Et ça a changé considérablement l'écologie des milieux, des fonds marins. C'est quand même, c'est la grande révolution quand même. Et puis alors, effectivement, ça change par rapport à la période eddiacarienne où effectivement on avait une stabilité des environnements qui était quand même assez grande et qui a duré quand même plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, et à partir du Cambrien, justement, cette stabilité est rompue, voilà. Et c'est ce qui permet aussi à de nouvelles espèces animales d'apparaître voilà. En masse et en grande quantité. Oui, et d'occuper la masse de l'eau, ce qui n'était pas le cas pour les organismes eudiacariens qui sont tous... Enfin, je ne connais pas trop d'exemples différents. Ils sont tous benthiques. Ils sont tous benthiques, c'est-à-dire qu'ils vivent sur le fond, attachés ou pas sur le fond. Alors, le temps file, nous est compté, c'est la radio, c'est comme ça. Une toute dernière question à vous trois. Qu'est-ce qui nous reste finalement à découvrir encore autour de Dickinsonia? Quel mystère il nous réserve encore? Et à quoi on continue de se heurter concernant cet être animal, Philippe Janvier? Je dirais, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir son tube digestif. On a cru l'avoir. Il y a des articles, un article dans les années 90 ou 2000, mais bon, c'était un artefact, en fait. Oui. Donc, alors, on ne l'a pas, finalement. Et pourquoi cela? Pourquoi ça vous intéresserait de l'avoir? Pour au moins voir s'il avait un développement comparable aux animaux modernes, un petit peu. Un tractus digestif, quelque chose comme ça. Oui. Jean-Paul Saint-Martin, justement, sur cette question des mystères que nous réserve encore Dickinsonia, quels sont-ils et quels sont les principaux? Et est-ce que, finalement, Dickinsonia, maintenant que son affaire est réglée, il faut passer à la suite? Non, mais le principal, enfin, en dehors du rapport avec ce qui va survenir au Cambrien et les affinités avec les organismes du Cambrien, c'est comment ça vivait, ces bestioles-là. On en c'est strictement rien. Il n'y a pas, comme disait Philippe, il n'y a pas d'appareil digestif, il n'y a pas d'appareil reproducteur visible. Mais comment ça vivait? Voilà, c'est ça. Pour un paléontologue qui aime resituer les organismes dans un environnement plus large, c'est une des questions qui reste essentielle. Bertrand Lefebvre, même question. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui était dit. Et peut-être qu'une des pistes, ça serait justement d'explorer des organismes actuels peu connus, comme les placozoaires, qui peuvent être un analogue, en tout cas en termes d'organisation, à ces faunes très curieuses des diacariens. Une autre possibilité, ça serait peut-être de chercher dans les plus anciens gisements en préservation exceptionnelle qu'on a dans le Cambrien, où on retrouve quelques vestiges des faunes des diacaras. Ils ne sont pas très nombreux, mais leur préservation étant différente, on aura peut-être accès ainsi à des partie interne auxquelles on n'a pas accès dans les conditions de préservation qu'on a dans les diacariens. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous trois, Jean-Paul Saint-Martin, Philippe Janvier et Bertrand Lefebvre, d'être venus à notre table pour parler de ce thème de Dickinsonia qui pourrait nous tenir occupés finalement toute une semaine, voire des mois. Un grand merci également à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve-Étienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Tom Humdenstock, Mathieu Lefrançois. À la réalisation, aujourd'hui, c'était Olivier Bétard. À la technique, Emmanuel Morse-Duncan. Merci également à nos camarades de Lyon qui nous ont permis d'être en duplex avec Bertrand Lefebvre. Je rappelle que le 500e épisode de la méthode scientifique approche et qu'on vous prépare une émission sur mesure pour fêter cet anniversaire. En vue de cette 500e, vous pouvez nous envoyer toutes les questions scientifiques les plus ardues auxquelles vous n'avez pas de réponse. Évitez la poule et l'œuf parce qu'on n'aura pas la réponse non plus. Envoyez-nous ça par mail à l'adresse lamethode@radiofrance.com ou bien sur Twitter en utilisant le hashtag LMS500. Et c'est notre cohorte de cobayes chroniqueurs et youtubeurs qui s'attelleront à la résolution de ces problèmes sans fin. Demain mardi, vous retrouverez Nicolas Martin pour une méthode scientifique consacrée à l'espace et à la capsule Soyouz. On se retrouve donc demain.